Bon, maintenant je vais vous faire réviser les prépositions. Je vous ai dit qu'avec les prépositions, en français, on emploie l'infinitif, mais qu'en anglais, on emploie toujours la forme en ing. Comment dit-on « je n'ai pas envie de le faire » I don't have... No, I don't... I don't feel... I don't feel... Like... Like. Like est maintenant suivi de ing. Je n'ai pas envie de le faire. I don't feel like doing it. Right, I don't feel like doing it. I don't feel like doing it. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire? What do you feel like... What do you feel like... Doing. Right, what do you feel like doing? Il est parti avant d'avoir fini son travail. He left before having finished his work. Il est parti avant d'avoir fini son travail. D'accord? He left before having, avoir, having finished, il faut employer le participe passé, his work. Et il est parti après avoir fini son travail? He left. Après avoir fini son travail? Après? After. Ah oui. After having finished his work. Yes. He left after having finished his work. Sans savoir quand il serait de retour. Without knowing. Good. Without knowing. Quand il serait de retour. When he will be... Will be veut dire il sera. Ah. Je vous demande, il serait. When he would be... De retour. Back. Back. When he would be back. Yes. Without knowing when he would be back. Il était puni. Puni se dit to punish. Il était puni. He is punished. Il est puni se dit... He is punished. Ici, je vous demande de me dire, il était puni. Il était... he was punished? Yes, he was punished pour avoir commis un délit. For having... Commis. Les verbes dérivés de mettre, comme commettre, admettre, permettre, omettre, se terminent avec met en anglais. Committed. Committed, yes. Commettre, to commit. Permettre, to permit. Comment dit-on alors pour avoir commis un délit? For having committed... Commettre, c'est to commit. Tous les verbes dérivés de mettre se terminent avec met en anglais. Commit. Alors, for having... Commit. Il faut employer le participe passé... Committed? Committed. For having committed a crime. Pour avoir commis un délit. Crime, ça s'écrit C-R-I-M-E, comme crime en français. Mais attention, c'est un faux ami. A crime, en anglais, ça veut dire un délit. Ah. D'accord? C'est pas la même chose. Ah. Donc, souvenez-vous du mot, mais il ne veut pas dire la même Et chose. Et comment on dit un crime alors en anglais? Alors, un crime en anglais, a murder, M-U-R-D-E-R. D'accord. Donc, for having committed a crime. Donc, for having committed a crime, c'est pour avoir commis un délit. Tout à fait. D'accord. Yes, he was punished for having committed a crime. Au lieu d'employer l'infinitif, après toutes les prépositions, on utilise la forme ing en anglais. Si l'on veut employer une expression comme voir, c'est croire, on considère l'action de voir, l'action de faire quelque chose. Il faut donc employer la forme ing. Alors, comment diriez-vous voir, c'est croire? Voir. To see. To see, mais l'action de voir s'exprime avec ing. Seeing. Seeing is. Seeing is believed. Non, au lieu de l'infinitif, on emploie la forme en ing. Ah, is believing. Right, seeing is believing. Permettre se dit to allow, to permit, mais aussi to allow. Allow s'écrit A-L-L-O-W, to allow. Ce n'est pas permis? It is not allowed. Once more. It is not allowed. It is not allowed. Ce n'est pas permis de fumer. Il n'est pas permis de fumer. Fumer se dit to smoke. It is not allowed smoking. It is not allowed to smoke. Mais fumer n'est pas permis. L'action de fumer n'est pas permise. Smoking yes. Is not allowed. Right, smoking is not allowed. Yes, smoking is not allowed. Attention, à nouveau, un faux ami. Smoking en français, c'est un costume. Oui. Vous savez, alors que ça veut dire fumer. Bon, après certains verbes qui sont suivis d'un autre verbe en français, il faut en anglais employer la forme en ing au lieu de l'infinitif. Par exemple, ça me fait plaisir. I enjoy. I enjoy. Ça me fait plaisir. Ça me donne plaisir. I enjoy. I enjoy it. J'aime ça. Ça me fait plaisir. Si vous ajoutez un autre verbe après, il doit être à la forme ing. Alors, ça me fait plaisir de le faire. I enjoy doing it. Yes, I enjoy doing it. Ou, ça ne me dit rien de le faire. Ça ne me fait pas plaisir. I'm not... Once more, I do not enjoy doing it. Right, I don't enjoy doing it. I don't enjoy doing it. Finir se dit... Finish. To finish. Le verbe qui suit to finish doit être à la forme ing. Il a fini de travailler... He has finished. He has finished, yes, or... He finished... Working. Right, he finished working. C'est la même chose avec stop, n'est-ce pas? Qui signifie également finir, s'arrêter. Il s'est arrêté de travailler. Il a cessé de travailler. He stopped working? Yes, he stopped working. Stop. C'est un verbe à nouveau facile à se souvenir. C'est écrit sur toutes les routes en France. Stop, arrêtez-vous. Hein? Donc, to stop.